nation. Une seule descendance, des milliers de façons de kicker cette balance. Trop de frères repartis trop tôt, oui trop de sœurs et qui sont là-haut. Un jour un cœur s'éveille, un jour un cœur s'endort. Un jour un smile on face, un jour une larme sur le corps. Un jour une larme sur le corps. Black plus vérité est égal assassinat. Tu veux t'imposer dans ce monde, faut être comme Amin Dada. A chaque jour suffit sa peine, à chaque peine suffit son coup. Mais qu'est-ce que la paix? La paix est contre l'épée. C'est un concept jamais trouvé, une idée pas encore révélée. Je pense que ce monde est foutu, je me demande à quoi sert l'ONU. Dans le monde, en Afrique, au Congo, y'a des flammes, y'a du feu, y'a des mômes. Vous dites qu'on est pessimiste, des rôles noirs remplis de vice. Mais c'est le système qui veut ça. Demande, on pète une Nicola. Le faux c'est des richesses qui s'accroît. Leur conversion fait d'or et d'argent. Veut-on avoir la paix avec ça? Un ruiné trop envieux se vexe. Cette haine dégagée dans nos textes. Les mauvaises nouvelles de la presse. Tous les matins ça met la pression. La peur dans l'onzième devient un réflexe. L'ordre à l'appel par manque de réflexion. Le 09, on se pose certaines questions. À cause de ces mots, les guerres s'éternisent. Le manque de pardon nous rend pessimistes. Paix, paix, paix. Baissez, baissez, baissez, pessimistes. Baissez, baissez, baissez, pessimistes. Baissez, baissez, baissez, pessimistes. Baissez, baissez, baissez, pessimistes. Baissez, baissez, baissez, pessimistes. Baissez, baissez, baissez, pessimistes. Baissez, baissez, baissez, pessimistes. Baissez, baissez, baissez, pessimistes. Baissez, baissez, baissez, pessimistes. Baissez, baissez, baissez, pessimistes.